faut craindre l'homme organisé. Parce que lui, il voit venir le mal. Et il est prudent. Il se défend. Alors déesse, chante pour nous. Nzambe papa, toi et papa. Waki kupati ya barati ya paduniani. Tazama baba na mama. Soki bapesi yo chansera wana mokele. Talaka ba kamarade na bande kobayo. Duniai, mambo mambo, duniai. Camarade na bande konyo soya mokili mokili hoyo ya nzambe tata to ebaka wakikupati ya barati apa duniani tazama baba na mama soki bapesi yo chance wana mokili talaka ba camarade na bande kobayo duniai mambo mambo. Saidia wasio pata, saidia wasio bahati.